Chapitre 4. C'est bon, j'irai en service à la ville. Les joues embrasées, les lèvres boudeuses, les yeux baissés pleins de colère muette. Monique se tenait debout devant sa mère. Celle-ci, qui filait au rouet, arrachait méthodiquement de fines pincées de lin blond et, pour les retenir, passait de temps en temps son index sur ses lèvres. Mais ses lèvres étaient sèches et le fil rompait souvent. La jeune fille, qui s'en apercevait, suivait d'un air ironique le mouvement de la grande roue de châtaignier polie par l'usage. « J'irai en service à la ville, puisque vous aimez mieux ça que de me garder ici au village. Et puis après, si vous n'êtes pas contente, eh bien tant pis. »« Tu me parles comme ça ?» fit Clémence, stupéfaite en s'arrêtant si court que le fil cassa net et que la roue, échappant à sa main, fit 3 ou 4 tours rapides dans le vide. Monique ne répondit pas, mais une satisfaction malicieuse éclaira son visage. « C'est toi, mon enfant, que j'ai élevé, qui me parle comme ça ?» répéta la mère, d'une voix émue plutôt que courroucée. « Que voulez-vous que je vous dise ?» répondit la jeune fille en levant la tête. « Je vous ai demandé la permission de me marier. Vous m'avez défendu d'y songer. Je vous ai demandé la permission de m'en aller. Vous n'avez pas dit non. Je pense alors que vous aimez mieux me voir loin que de me voir mariée. Je pense aussi qu'au fond vous m'aimez tout de même et que vous vous ennuieriez quand je ne serai plus là. Il n'y a pas de quoi vous fâcher, ma mère. » Clémence reprit un peu de lin et rattacha son fil sans répondre. Monique jeta un regard par la porte entrouverte et poussa un profond soupir. Il pleuvait. La pluie tombait tout droite en grosses gouttes, sans augmenter ni diminuer. La verdure des haies, brillante et comme vernie tout auprès de la maison, s'adoucissait au regard en s'éloignant sur la pente du vallon, et à quelque distance, on ne voyait plus rien qu'un gris uniforme, argenté, délicieux, ou plutôt une vapeur. Pas de vent, le bruit de la pluie sur les feuilles seulement. Pas de cris d'oiseaux, pas de lumière vive, presque le silence et le crépuscule. Cependant, on sentait qu'il ne pouvait être plus de 5 heures, et que derrière la buée, le soleil était encore bien loin d'avoir achevé sa course. Monique se détourna lentement de la baie lumineuse que faisait la porte dans cette demeure sombre comme un intérieur hollandais, et prit une canne de cuivre pour la faire reluire. Agenouillée sur le seuil, elle étendit le bras au dehors, sous l'averse, cueillit une poignée d'herbe contre la marge du seuil, et penchée sur la cruche au ventre rebondi, elle se mit à la frotter vaillamment. « Oui, » reprit Clémence d'une voix assourdie et monotone à dessein, « j'ai l'air d'être dure et mauvaise. Et pourtant, c'est parce que je t'aime trop pour te voir du malheur. Tu crois que le mariage, c'est tout rose. « Ah, ma pauvre fillette, qu'en dirais-tu avant 12 mois si je te laissais faire? Ici, tu ne fais que ce que tu veux. » Monique secoua la tête d'un petit air railleur. « Tu travailles, c'est vrai, mais est-ce qu'il te plaît? Si tu avais les charges et les peines d'un ménage, tu t'apercevrais bien vite que jusqu'à 7 heures, tu n'as travaillé que pour t'amuser. Tu dis que je te regretterais quand tu serais parti, c'est vrai. Mais j'aimerais encore mieux avoir du chagrin parce que tu gagnes ta vie loin de moi, que de te voir dans la misère sous mes yeux sans pouvoir t'en sortir. » Monique, toujours à genoux, fourmissait de toutes ses forces la canne de cuivre rebondie qui lui renvoyait l'image de son joli visage, mais elle ne disait rien. « J'y ai bien pensé depuis 3 jours, » continua la mère, dont le mouvement s'était régularisé et qui filait maintenant sans accident. « Tu ne peux pas rester ici, à présent que ce garçon t'a mis le mariage dans l'esprit. Il t'arriverait malheur et je ne veux pas qu'on te montre au doigt. » Monique, rougissante, se pencha sur la canne et frotta plus fort. « Il faut donc que tu t'en ailles, et le moment est passé d'entrer en service chez nous. Il faudrait t'en aller à la ville, comme tu le dis. » Monique retourna la cruche sur l'autre flanc, cueillit une nouvelle poignée d'herbe et recommença de plus belle. « Tu ne sais pas ce que c'est que le service à la ville. Tu en seras bientôt dégoûtée. Je reviendrai alors, ma mère, et vous me laisserez marier. Pas avant 3 ans, » dit fermement Clémence. La façon décidée dont elle avait parlé fit relever la tête à Monique, qui arrêta son bras. « 3 ans? Vous nous laisseriez marier dans 3 ans? Si vous n'avez pas changé d'idée, » répondit brièvement la vieille femme. « Que sont 3 années pour une fillette de 17 ans? Une éternité ou rien du tout, suivant sa disposition du moment. Pour Monique, 3 ans paraissait un jour. 3 ans? Elle s'est élevée et regardait le brouillard d'argent dans la vallée. « Mais alors, pourquoi voulez-vous que je m'en aille, puisque vous ne me refusez pas de nous laisser marier? Parce que... » Clément s'arrêta. Au village, on n'est pas délicat dans ses propos. Cependant, Elle ne pouvait pas dire à sa fille qu'un stage de 3 ans lui paraissait impossible si les amoureux étaient libres de se voir. « Parce qu'il faut que vous ayez un peu d'argent pour entrer en ménage, » dit-elle. « Que ton prétendu se loue de son côté, toi du tien. Au bout de 3 ans, vous aurez économisé sur vos gages, et alors il en sera ce que vous voudrez. Si vous êtes toujours du même avis, » ajouta la mère, qui connaissait mieux les choses. Monique fit un petit geste qui exprimait une confiance absolue dans l'avenir. « J'aurai 20 ans, » dit-elle d'une voix distraite. « C'est loin ce temps-là, mais il finira bien par venir. » Sa mère hocha la tête. Elle savait que tous les temps arrivent plus vite qu'on ne l'aurait cru, et souvent désiré. « Et dites, maman, qui est-ce qui me cherchera une place à la ville? Je ne peux pas y aller comme ça toute seule pour demander aux gens s'ils veulent une servante. » Elle riait, et toute sa vaillante petite personne exprimait la joie et la confiance. « Il faudra demander à monsieur le maire, » dit Clémence. « Il y a des parents à la ville du côté de sa femme. »« Ah oui, je sais, » fit Monique. « Maman, vous devriez y aller tout de suite pour lui demander. »« Tout de suite, » répéta Clémence ébahie. « Mais oui, tout de suite. Plus tôt vous irez, plus tôt on aura une réponse, et comme vous avez dit 3 ans, c'est 3 ans à partir d'aujourd'hui. C'est bien convenu. Alors dépêchez-vous, maman, pour que je revienne plus vite. C'est aujourd'hui le 27 juillet. Le 27 juillet, dans 3 ans, nous nous marierons. » Clémence ne put s'empêcher de rire, encore qu'elle se sentit le cœur bien lourd. « Allez, ma bonne mère, je vous en prie, allez tout de suite chez M. Mao, expliquez-lui la chose, et qu'on ne s'en dédise plus. »« Il pleut, » fit Clémence en regardant le chemin détrempé, poli comme une glace. « Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il ne pleut pas tous les jours? La pluie, ça peut empêcher de rentrer les orges, mais ça n'empêche pas les gens de sortir. Et puis voilà votre parapluie. Attends au moins que je mette une coiffe et un tablier propre, » dit la mère en se défendant de son mieux. L'armoire fut vite ouverte, et Monique présenta à Clémence la plus proprette de ses coiffes en évidence sur son petit poing fermé. 5 minutes après, la bonne femme s'en allait sur la route glissante et luisante, du côté de la maison à monsieur le maire, sur la place au plus bel endroit. Quand sa mère eut tourné le coin du chemin, Monique, qui l'avait suivie du regard sur le seuil, interrogea le ciel toujours semblable à lui-même, puis, avec une petite moue, aussitôt suivie d'un sourire, elle fit un mouvement pour entrer. Une ombre grise parut sur la porte ouverte d'une grange vide en ce moment, et la jeune fille ne douta point un instant du corps que représentait cette ombre. Sans se presser, mais avec un léger battement de cœur, elle alla s'asseoir devant le rouet quitté par sa mère et mit en mouvement la pédale pendant qu'elle donnait un tour au fuseau. Un clapotis annonçant des pas se faisait entendre dehors. Elle réprima à grand-peine un sourire qui creusait des fossettes sur ses joues, en dépit d'elle-même, puis, saisissant une pincée de fil d'or à la quenouille enrubannée de noir, quenouille de veuve, elle commença à filer gravement. L'ombre entrevue tout à l'heure obstrua la lumière, et Bonamy, secouant sa limousine, apparut sur le seuil. « C'est toi ?» demanda Monique avec une feinte gravité. « Ma mère vient de sortir. Je le sais bien. Depuis ce matin, je la guette. J'ai passé la journée dans la grange à beau-fils. « Entre donc, assieds-toi, » dit tranquillement la jeune fille. « Elle est allée chez M. Mao. Nous allons pouvoir causer un brin. » Marin s'assit sur l'escabeau de bois, tout près de la porte restée ouverte, pendant que Monique continuait à filer. « Qu'est-ce qu'elle allait faire chez M. Mao ?» demanda le jeune homme après un silence, pendant lequel il avait suivi sa pensée, tout en regardant tourner le rouet et danser le fuseau. La fileuse ne répondit pas sur le champ et parut très affairée à sa quenouille. Lorsque les légers fils de laine, fins comme la soie, se furent débrouillés sous ses doigts, elle remit en mouvement la pédale et dit tout bas « Elle veut bien nous laisser marier. » On a beau être un homme grave, on a beau s'être accoutumé dès l'enfance à maîtriser les mouvements de son âme, on ne reçoit pas une semblable nouvelle sans quelque émotion. Marin rapprocha son escabeau de la chaise de Monique, avança en hésitant sa main le long du tablier, et tout à coup emprisonna dans les siens les doigts de la fillette, pendant que son honnête regard, soudain voilé d'une brume, cherchait les yeux bleus qui souriaient, triomphant. « Oh, Monique !» dit-il de sa voix profonde. Et il resta silencieux, fermant, pour mieux savourer sa joie, ses yeux qui auraient sans cela peut-être laissé couler des larmes. La jeune fille avait arrêté son rouet, et le fil soutenait le fuseau immobile à son côté, pendant que Marin retenait sa main fluette. « Mais pas tout de suite, » dit-elle avec un petit air prude. « Quand donc ?» demanda l'amoureux en rouvrant les yeux. « Dans 3 ans. » Marin relâcha les doigts, et Monique recommença à filer, mais très lentement. « 3 ans ? Autant dire jamais ?» reprit-il, découragé. Elle aurait mieux fait de refuser tout de suite. « Mais non, grand Nigaud !» répliqua vivement la fillette. « On dit 3 ans, et puis l'an prochain je viendrai, je dirai que je m'ennuie là-bas, et l'on nous mariera. »« Tu veux donc t'en aller ?» murmura le jeune homme tout à fait perdu dans ses explications embrouillées. « Oui, à la ville, en service. Ma mère dit que tu te placeras de ton côté, pour que nous ayons de l'argent quand nous entrerons en ménage. » Marin regarda sa petite fiancée avec des yeux éperdus. « Tu tiens donc à l'argent, » dit-il. « Quel malheur que je ne sois pas riche. Ce n'est pas moi, c'est maman, » fit Monique d'un air piqué. « Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas marier la faim avec la soif. » Elle parlait d'un ton sage et entendu, comme si ses paroles eussent été le fruit de sa propre expérience. « Tu crois ?» dit Marin, en l'enveloppant de son regard chaud et honnête. « Eh bien, moi, je m'étais figuré autre chose. J'avais pensé qu'un de ces jours, après qu'on nous aurait bellement mariés, je t'emmènerais dans ma petite maison au bout du village. La demeure n'est pas riche, mais la maison est bonne et solide, car le vieux bon ami qui l'a fait bâtir n'y a point regretté sa peine. Et les cailloux étaient de braves cailloux, qui n'ont jamais laissé entrer ni vent ni pluie. La table et les bancs y sont d'aplomb, le lit est de belles plumes d'oie vive, et ma grand-mère a filé assez de linge pendant sa vie pour qu'il reste encore des draps dans l'armoire. Nous nous serions nichés là, tout seuls, et pour la vie. Et si je t'avais eu avec moi, Monique, je n'aurais pas pensé à regarder si ton tablier est de soie ou de coton. La soupe que tu m'aurais préparée m'aurait toujours semblé bonne, et s'il nous était venu des petits hauts, j'aurais travaillé de bon cœur pour les nourrir, comme pour toi et tout ce qui vient de toi. » La main de la jeune fille avait repris sa place dans celle du laboureur, et il regardait sa fiancée comme il ne l'avait peut-être jamais fait. Elle l'avait d'abord écouté en souriant, et puis peu à peu, laissant retomber sa tête sur sa poitrine, elle semblait entendre en elle-même un écho aux paroles de l'homme qui l'aimait. « C'est toi que je veux, » continua Marin, « et non de l'argent. As-tu besoin pour entrer en ménage de plus beaux habits que ceux que tu portes? Est-ce que c'est moi que tu as accepté ou bien les meubles de ma maison? Alors, Monique, pourquoi dis-tu qu'il nous faut de l'argent puisque nous sommes jeunes, courageux et que nous nous aimons ?» Elle tourna les yeux vers lui comme pour lui demander pardon, et troublée, rougissante, elle laissa glisser sa tête sur l'épaule qui s'était rapprochée jusqu'à la toucher. Ils restèrent muets, les yeux fixés sur le petit coin de paysage que la porte encadrait et que la pluie commençait à estomper d'une fine brume argentine. Tout était tranquille et silencieux, comme la vie qu'avait rêvé Marin. Sans grande joie peut-être, sans effort surhumain, sans renoncement sublime, mais harmonieuse et paisible, éclairée par la clarté intérieure d'un grand amour latent, qui n'aurait point besoin de bruyantes manifestations, et qui serait l'essence même de cette vie. Un bruit de sabots sur la route détrempée fit tressaillir les jeunes gens qui se séparèrent, et Monique reprit son fuseau. Le bruit décrut, et le silence revint, scandé seulement par le bruit des gouttes d'eau et le ronron régulier du rouet qui maintenant tournait vite. « Alors, tu ne t'en iras pas ?» demanda Marin d'un ton de suppléante prière. « Je n'en ai pas envie, » répondit la jeune fille, qui lui jeta un regard de tendresse souriante. « Crois-tu que ta mère entende raison ?»« Je n'en sais rien du tout. Elle est parfois très obstinée. Mais tu seras de mon côté, pas vrai? Je crois bien. » Un nouveau bruit de pas retentit, et cette fois ne cessa de se rapprocher. « Faut t'en aller, » dit Monique un peu effrayée. « Mais elle va te voir. Va-t'en par le jardin. »« Non pas, » répliqua Marin d'un ton ferme. « Je suis venu voir ma prétendue. Je n'ai pas à m'en cacher. » Et si notre mariage n'est qu'une affaire de temps, ma visite n'est pas une offense. » Comme il achevait ce mot, Clémence parut dans l'embrasure de la porte. Le regard qu'elle jeta sur son futur gendre n'était pas absolument affectueux, mais elle l'envisagea cependant sans rancune, et plutôt comme un mal nécessaire. « J'étais venu causer avec Monique, » dit Marin en manière d'explication. « Je le vois, » fit la mère en fermant son parapluie. « Elle vous a dit que je donne mon consentement ?» Le jeune homme la regardait, ne sachant comment interpréter ses paroles. « Dans 3 ans seulement, pas un jour avant, » reprit-elle, « c'est à prendre ou à laisser. »« Mieux vaut tenir que de courir, » répondit le jeune homme, appliquant un proverbe du pays. « Va pour 3 ans, et puis dans l'intervalle, vous changerez peut-être d'avis. N'y comptez pas. Puisque vous voilà, vous pouvez bien entendre ce que j'ai à vous dire. Monique va s'en aller à Rouen. « À Rouen ?» s'écrièrent ensemble les deux fiancés. « Oui, à Rouen. » C'est assez loin pour que vous n'ayez point d'envie inutile d'aller la déranger dans son travail. Madame Mao a une parente à Rouen, qui se chargera de placer Monique. Eh bien, je vous engage à vous placer comme elle, dans quelque bonne ferme, et dans 3 ans, si le cœur vous en dit, vous pourrez vous marier. Bonamy était resté dans une muette désolation. Monique le poussa du coude pendant que sa mère, sans s'occuper de leur présence, changeait sa coiffe neuve contre celle qu'elle avait quittée pour sortir. « Il arrive bien des choses, » dit tout bas la jeune fille à son amoureux décontenancé. « Attends, ne t'en va pas, je vais te faire inviter à souper. » Le jour baissait rapidement, crépuscule précoce, amené bien avant l'heure par la pluie qui assombrissait le ciel, et une tristesse douloureuse, sans appel, semblait tomber sur la terre avec cette obscurité factice. Marin regardait la porte d'un air désespéré. « Maman, dit tout haut Monique, puisque vous consentez à nos accordailles, il faut faire un brin de fête. Marin m'a soupé avec nous. »« Jolie fête, grommela la mère, et par un temps pareil. »« Le temps n'y fait rien, maman, répondit la fillette d'un ton câlin. Marin soupera avec nous et nous ferons de la galette. » La galette du pays n'est autre chose que des crêpes mi-sarrasin mi-froment. Clément sut beau protester. En un clin d'œil, Monique eut déniché du beurre, des œufs et de la farine. Marin, dépêché chez la voisine, revint avec un pot de lait frais trait, et la salle sombre s'illumina tout à coup de la lueur d'une grande flambée d'ajoncs secs, apportée du cellier par la jeune fille qui traînait derrière elle les longues branches épineuses. Pendant que Clémence, encore bourrue, faisait sauter les crêpes sur la poêle épaisse, sa fille, agenouillée, nourrissait le feu avec de menues branches d'épines et de fougères séchées. Le reflet des flammes claires colorait capricieusement son visage. De temps en temps, elle levait ses yeux sur son fiancé, qui la regardait l'âme pleine d'inexprimables pensées. C'est ainsi qu'il la verrait un jour agenouillée auprès de l'âtre dans la vieille maison de ses ancêtres. Elle s'occuperait alors des soins de son foyer, de leur foyer, et rien ne pourrait plus les séparer. La pluie tomberait à loisir sur la route et sur la falaise, ils seraient chez eux, et les coups sourds de la mer elle-même, sur les parois de granit des grottes, ne saurait les empêcher de se sourire. Clément se laissa dérider peu à peu. La jeunesse et la joie des fiancés finirent par la toucher, et elle écouta les propos presque enfantins encore de sa fille, sans la rabrouer trop souvent. Les crêpes mangées, le feu tomba, et ne fut plus bientôt qu'une braise rouge, rapidement recouverte d'une cendre épaisse et blanchâtre. La petite lampe fumeuse n'éclairait presque plus. Marie comprit qu'il devait s'en aller. « Bonsoir Clémence, bonsoir Monique. » Elle le regardait un peu ému sous ses cheveux follets. Il l'attira à lui et baisa sa joue rosée qui semblait se retirer, puis il ouvrit brusquement la porte qu'on avait fermée pendant le repas. La pluie tombait toujours, mais le vent s'était levé et la secouait en rafales sur les arbres et sur les toits. Sans un geste d'indécision ou de regret, il s'enfonça dans la nuit. Il allait sous l'averse, aveuglé par les torrents d'eau qui tombaient du ciel, dans l'ombre épaisse que ne traversait aucun rayon de lumière, et pourtant, tiède encore de la chaleur du foyer qu'il venait de quitter, il ne pensait qu'à la grâce ingénue de la petite Monique. Il était agréé, n'était-ce pas assez pour le remplir de joie? Arrivé devant la porte, il souleva le loquet et entra. La salle était noire, froide et humide, et une sorte de frisson lui passa sur les épaules. C'était plus triste que le dehors, bien que l'air y fût tranquille, pendant que la tempête secouait furieusement derrière lui les noisetiers du chemin. Il alluma sa lampe sans se presser, un homme qui veut obliger ses mouvements à rester calme, et la leva à la hauteur de sa tête pour regarder autour de lui. Rien n'était changé. Les objets se trouvaient à leur place habituelle, et cependant tout lui semblait indiciblement morne. La pensée qu'il avait repoussée tout le soir retomba sur lui comme une pierre. Et il se sentit triste à mourir. Cependant, Marin Bonamy n'était pas homme à se laisser avoir du chagrin sans bonne raison. Il alla chercher des branches d'ajonc, alluma du feu, et longtemps, longtemps, regarda les lueurs d'encens s'élever et mourir sur l'âtre où un jour, dans trois longues années, Monique, agenouillée, alimenterait son foyer. M. Mao était un excellent homme. M. le maire de Chancet était plein en même temps de morgue et de condescendance, ce qui faisait deux personnages tout différents d'un seul et même individu. Lorsque, en se promenant le long de son champ, son fameux champ de 1400 mètres de long, semé cette année-là d'avoine, il vit venir à lui Monique Brequet, son premier mouvement fut une joie quasi paternelle à la vue de l'aimable enfant. « Bonjour, petiote » allait-il lui crier par-dessus la haie d'églantier encore fleurie. Il se souvint que la jeune Brequet venait pour lui demander sa protection, vraisemblablement accompagné d'un certificat de bonne vie et mœurs pour aller en service à Rouen, et il redevint grave. « Que vous faut-il, mon enfant ? » demanda-t-il de sa voix la plus administrative. Les yeux de Monique se levèrent vers ce puissant personnage qui dominait de la hauteur d'un homme le sentier en contrebas. « Bonjour, monsieur Mao, » répondit-elle avec sa bonne humeur un peu narquoise. « Peut-on monter vous parler ?» Monsieur le maire ne savait trop s'il devait permettre cette familiarité, mais Monique avait déjà passé par une des brèches ouvertes dans toutes les clôtures pour abréger les distances, et son joli visage apparaissait encadré de roses de haie au niveau des genoux du père Mao. « Tu grimpes comme un cabri, » dit-il, redevenant bonhomme. « Ça ne te sera pas d'un grand usage à la ville, mais ça dégourdit les jambes tout de même. Qu'est-ce que ta mère est venue nous conter hier? Tu veux te marier, toi, une gamine ? J'aurais 17 ans à la Saint-Michel, » répondit Monique en se redressant. « La belle avance, 17 ans. Mais la plus jeune de mes filles en a 18, et elles n'ont point encore eu idée d'amoureux. »« Puisque bon ami me veut, » dit la fillette avec un petit geste coquet, moitié raillerie à l'égard du prétendu qui la voulait, moitié supériorité sur les filles qui n'avaient point encore été demandées. « Le fait est que s'il te veut, » fit le maire en riant, « ni toi ni moi n'y pouvons rien, que toi pour te laisser faire et moi pour te donner en mariage. Alors, c'est résolu, tu veux t'en aller en service ?» Monique fit un petit signe affirmatif. Les alouettes chantaient au plus haut du ciel bleu. L'avoine en berre tendre se mourait de blanc sous les ondulations d'un vent frais qui faisait frémir les feuilles. La pluie de la veille avait été bue par le sol altéré. Il n'en restait de traces que sur le feuillage plus vert et les routes où des sillons de gravier indiquaient la place des torrents de la nuit. Une gaieté et une intensité de vie extraordinaire bruissaient dans l'air échauffé par le soleil, au-dessus de la terre encore fraîche. Le maire de Chancet regardait la jeune fiancée avec une sorte de pitié. « Si petite, si menue, si peu forte, qu'est-ce que tu t'en vas faire chez les autres ?»« Ce qu'on me donnera à faire, » répondit-elle. « C'est grand, Rouen, monsieur Mao ?»« C'est plus grand que Chancet, » fit-il en riant. « Ça ne t'ennuie pas de servir les autres ?»« Je n'en sais rien, » répondit candidement la fillette. « Est-ce que c'est difficile ?»« Ça dépend. » Mao resta pensif sur cette réponse peu compromettante. Aux yeux des paysans de ce pays, la domesticité n'est point une situation inférieure. On le comprend d'ailleurs aussitôt que l'on voit de près les relations entre maître et serviteur. Toute l'arrogance, tous les caprices sont du côté de ceux-ci qui se savent nécessaires et qui en abusent. Quand un propriétaire se décide à prendre à sa solde un valet ou une servante, c'est qu'il ne peut suffire à sa besogne par ses bras et ceux de sa famille. Donc, le serviteur supplémentaire est un rouage indispensable de l'exploitation et comme tel, il sait se faire valoir. De plus, les bras manquent en général. On ne peut guère remplacer un domestique qu'aux grandes époques de Louerie, la Sainte-Madeleine ou la Saint-Martin. De là, l'indépendance de ces gens, qui en réalité sont absolument les maîtres de la situation, car ils peuvent toujours s'en aller alors qu'on ne peut pas les renvoyer sans s'exposer à des pertes matérielles. Monique possédait au plus haut degré le sentiment de sa petite dignité. Si elle eût su ce que l'on entend par service domestique dans les villes, son orgueil se fût révolté. Mais elle se figurait naïvement que ses devoirs ne seraient point autres qu'ils ne l'avaient été jusqu'ici, près de Madame Mao, par exemple, ou de tout autre propriétaire des environs. « Eh bien, viens, » dit Monsieur le maire, en redevant digne. « Ma femme a, je crois, quelque chose à te dire. » Il prit les devants comme un personnage officiel. Et la fillette le suivit d'un air docile, en tournant autour de ses doigts un souple brin d'avoine. Madame Mao était une bonne femme toute ronde. Il y avait beau temps qu'elle avait perdu la place de sa ceinture et qu'elle n'en avait aucun souci. Par un miracle inexpliqué, son tablier tenait cependant autour d'elle et tout le jour, relevé sur son bras gauche, renfermait tour à tour les choses les plus diverses, depuis le grain pour les poules jusqu'à la pelote de laine qui lui servait à tricoter des bas à temps perdu. D'ailleurs, n'ayant jamais voulu quitter sa coiffe paysanne, bien qu'elle eût apporté en terre à son mari plus de 100 000 francs de dot, en un temps où la terre était bon marché, elle exigeait de ses fils qu'ils portassent la blouse en semaine comme leur père, et ses filles n'avaient jamais connu d'autre coiffure qu'un petit bonnet blanc. Seulement celui-ci était fait de Valenciennes à 1 louis le mètre. Au moment où Monique, suivant monsieur le maire, entra dans la grande salle d'allée, la bonne femme apportait à deux mains un pot de lait, couvert jusqu'au bord d'une épaisse couche de crème jaunâtre. « C'est donc toi qui t'en bats ? » fit-elle. « Quelle drôle d'idée, mon Dieu !»« Si ma mère voulait me laisser marier tout de suite, » répondit brusquement Monique, « je ne m'en irais pas. » Mao se mit à rire. « Pas mal répondu, » dit-il. Il s'assit au coin de la cheminée pendant que les deux grandes filles regardaient Monique d'un air un peu jaloux. « Eh bien, » dit Madame Mao, qui n'aimait pas perdre son temps, « écoute-moi et ne me fais pas répéter. » Elle prit une grande cuillère de buis, presque plate, et se mit à écrémer le lait tout en parlant. « Ma sœur, habite Rouen, il y a quelque temps, elle m'a fait demander si je ne connaissais pas une fille du pays pour aller servir une dame de ses amis qui est malade et qui ne peut pas quitter sa chambre depuis plusieurs années. Je ne songeais pas à toi. Qui est-ce qui se serait figuré que tu pouvais avoir envie de t'en aller ? Et j'ai répondu non, parce qu'on n'aime pas envoyer dans les maisons du monde qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît trop bien. Mais je puis demander si cette personne est toujours de la même idée, et si tu veux y aller, dame, je ne t'en empêche pas. Ça ferait-il ton affaire ? » Il n'y avait plus de crème sur le lait. Madame Mao posa sa cuillère de buis et attendit la réponse. « Tout de même, » fit Monique. En pays normand, c'était un acquiescement complet. Cependant, la jeune fille ajouta « Je vous remercie de votre bonté, Madame Mao. » « Alors j'écrirai, » conclut la bonne âme. « Et dis-moi, c'est lui appris comme ça, bon ami ? » Il ne t'en avait jamais parlé avant. « Jamais. » « Drôle de garçon. » « Il n'a jamais rien fait comme personne, » dit Mao d'un air pensif. « Tu vas t'ennuyer là-bas ? » fit une des jeunes filles d'un air curieux. « Peut-être bien que non, » répondit Monique. « Ce sera des choses bien nouvelles et j'aurai de quoi apprendre. » « Et puis tu gagneras de l'argent, » fit l'autre. « Faudra bien puisque c'est pour ça que j'y vais. » « Et dites-moi, Madame Mao, si vous le savez, qu'est-ce qu'on me donnera de gage ?»« Je n'en sais rien du tout, ma fille. Tu t'arrangeras avec eux quand tu seras là-bas. Ce ne sont point mes affaires. » Après quelques mots échangés, Monique reprit le chemin de sa maison. Au coin de la place, elle hésita un instant. Son cœur la poussait vers la demeure de bonne amie, où elle savait devoir le trouver à cette heure. Puis un instinct secret l'avertit que la nouvelle qu'elle lui apportait ne ferait point plaisir au jeune homme. Il se dirigea de l'autre côté. En peu de paroles, elle mit sa mère au courant de ce qui venait d'être conclu, et elle reprit sa besogne habituelle, un peu plus sérieuse que de coutume et plus silencieuse. Ce n'était pas que Monique se rendît bien compte du changement qui allait s'opérer dans sa vie. Sa petite nature d'oiseau ne lui inspirait pas de pensées profondes. Elle avait 17 ans, et bien des filles de 12 ans lui en eussent remontré pour la réflexion. Son intelligence innée la sauvait de 100 folies, là où son jugement ne lui était d'aucun secours. La demande en mariage qui faisait d'elle une toute autre personne et lui donnait de l'importance lui avait inspiré d'elle-même une idée nouvelle, et la fillette se prenait désormais très au sérieux en qualité de promise. Que cet événement lui imposa de nouveaux devoirs, elle n'y songeait pas le moins du monde. Elle y voyait au contraire une sorte de délivrance de 1000 suggestions auxquelles les jeunes filles sont soumises. Avec la confiance de son âge, elle considérait les appréhensions de sa mère comme les fantaisies lugubres d'une femme attristée par les chagrins d'une vie pénible. Pour elle, l'existence serait tout autre. Elle éviterait les fautes comme les peines, et l'amour de son futur mari ferait pour elle du mariage la réalisation parfaite du plus beau rêve de bonheur. Tout eût été délicieux si elle avait pu se marier tout de suite, ou pour mieux dire, au bout de 6 mois ou 1 an, comme on le fait d'ordinaire en ce pays, où les fiançailles sont longues. Restant à Chancet, courtisée par son prétendu à la face du monde, jouissant de tous les petits triomphes d'amour-propre que donne cette charmante situation d'une fiancée dont le mariage approche, elle n'eut rien eu de mieux à demander au sort. Aller en service, c'était plus dur. Le service, cependant, pour elle, ne présentait rien de véritablement pénible. Le travail matériel des champs, qui lui était familier depuis l'enfance, entraînait certainement plus de fatigue. Mais quitter Chancet, quitter sa mère et son amoureux, cela méritait bien quelques regrets, et c'est ce qui rendait Monique silencieuse. Elle aimait le pays, la mer et la falaise. Elle aimait les hautes fougères où le vent dessine des moires fugitives, en même temps qu'il soulève des embruns sur les vagues, au bas des roches. Elle aimait l'eau claire des fontaines et les degrés où s'assemblent les filles des villages pour se raconter les histoires de l'endroit. Elle aimait aussi les grandes pièces de terre, où, toute petite, elle avait suivi sa mère au travail des foins et de la moisson, tantôt endormie le long de la haie tapissée de fraisiers à l'ombre des grands ormes ou d'un frêne au feuillage mobile. Elle allait quitter tout cela. Les souvenirs d'enfance voltigeaient autour d'elle comme des papillons sur une luzerne fleurie, à mesure qu'elle comprenait mieux la notion réelle du départ. Son enfance avait été rude, soit, mais c'était l'enfance, avec l'indicible grâce qu'elle attache aux moindres choses. Tout lui avait paru beau, grand, mystérieux. les trous de la falaise et les grottes de la mer qui lui avaient servi de cachet dans ses jeux, lui inspiraient toujours la même affection mêlée d'un peu de respect. Elle était familiarisée avec les endroits, et les souvenirs évoqués par eux restaient empreints d'une sorte de terreur sacrée. Sa mère aussi éveillait en elle un sentiment analogue. En regardant à la dérobée le profil encadré dans la coiffe au bord de Bazin, Monique se rappelait maintenant mille choses du temps passé. Cette mine sérieuse était douce autrefois, quand elle se penchait sur le petit verre où s'endormait la fillette qui marchait à peine. Ses yeux entourés de rides avaient pleuré depuis. La bouche qui souriait à l'enfant chéri avec des mots de caresse s'était figée dans une expression ferme et douloureuse, mais pourtant que de bonté sous l'apparente rudesse de cette mère. Monique se rappelait qu'elle avait jadis entouré de ses menottes ce visage aujourd'hui si peu encourageant. Est-ce donc qu'il y aurait pour les enfants, comme pour les oiseaux, un temps heureux, où leurs parents les aiment et les choient, puis un autre, où, étant traités en étrangers, ils se voient chassés du nid et du foyer? Si Clémence voulait, pourtant, Monique ne partirait point. Avec un peu de l'argent que réservait pour ses vieux jours la vieille femme effrayée à l'idée de la misère possible, on pourrait se marier tout de suite, sans craindre les hasards de la vie. Mais Clémence voulait que les jeunes gens fissent leur nid eux-mêmes. Encore une idée d'oiseau, cela est pas charitable. Le cœur gros, retenant ses larmes, Monique pensa à Marin Bonamy. C'est celui-là qui aurait du chagrin quand elle serait partie. Elle ignorait tout de l'amour, et pourtant, elle sentait que le jeune homme allait vivre dans une mélancolie profonde, en attendant le jour éloigné qui les donnerait l'un à l'autre. Elle y pensa une minute, puis son esprit instable se détourna de cette méditation de choses inconnues qui la tristait et la fatiguait en même temps, et elle revint à elle-même. Rouen, c'était une grande ville. Y libérait des nouveautés bien surprenantes, sans doute. Il devait y avoir de grands magasins, avec des étoffes, des meubles, des bijoux, des choses dont on n'a pas l'idée au village. Si la dame qu'elle allait servir était bonne, elle lui ferait des cadeaux, des rubans, des fichus, un tablier de soie peut-être, et plus tard, si on lui donnait, beaucoup plus tard, quand elle serait pour se marier, si on lui donnait une montre en or. Se croyant fort sage, elle se moqua de cette pensée et haussa les épaules à sa propre chimère. Une montre en or, quelle invraisemblance, quelle absurdité. Enfin, on lui donnerait bien quelque chose, elle ne savait pas quoi. Et lorsqu'elle reviendrait, quelle joie d'étaler les beaux présents qu'elle aurait reçus en témoignage de satisfaction pour sa bonne conduite. Sa mère, qui la traitait toujours comme une enfant, verrait bien que Monique pouvait être sage sans qu'on eût besoin d'être toujours à la gronder comme elle le faisait ici. Monique, tu as encore oublié de donner à manger aux poules, dit Clémence d'un ton bourru. Depuis que tu as idée de mariage, tu n'es plus bonne à rien. Vraiment, tu feras bien de t'en aller. La jeune fille s'est élevée dès le premier mot et avait rempli son tablier de grains pris dans un coffre. Là-bas, pensa-t-elle, le cœur bondissant de colère, les gens ne seront pas toujours après moi avec des paroles dures. Et puis, d'abord, je ne le supporterai pas. J'en ai assez d'être menée comme une bête avec des mots qui sont comme des coups de fouet. Et sa pensée se tourna soudain avec reconnaissance vers Marin, qui lui avait épargné toujours tant de peine et qui ne lui avait jamais parlé qu'avec douceur.